Jusqu'au 21 avril 2024, la Fondation Cartier pour l'art contemporain présente Le souffle de l'architecte, une exposition inédite de Bijoy Jain, fondateur du studio Mumbai et figure incontournable de la scène architecturale indienne. Dans cette création totale explorant les liens entre l'art, l'architecture et la matière, il déploie, en dialogue avec le bâtiment de Jean Nouvel, un espace de rêverie et de contemplation. Une expérience physique et émotionnelle à vivre à la Fondation Cartier. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Nombre de personnes se disent perturbées, y compris dans leur sommeil, par les événements politiques du moment, les guerres, l'actualité lourde. Alors je vous propose cette question ce matin. Comment rêvons-nous et cauchemardons-nous en de sombres temps ? Nos rêves parlent de nous, mais aussi parfois d'un présent à l'extérieur de nous. Et si nos rêves et cauchemars étaient même des formes de connaissance de ce présent, connectés à sa part la plus difficile, celle que notre conscience éveillée tente à mettre de côté. Il existe des travaux sociologiques sur les rêves, par exemple ceux de Bernard Lahir, parfois réalisés avec l'historien Hervé Mazurel. Mais il existe aussi des démarches étonnantes, curieuses des nuits de leurs contemporains. Par exemple, la démarche de Charlotte Berat. Cette Allemande, qui travaillait dans l'édition dans les années 30, a recueilli 300 récits de rêves d'Allemands de 1933 à 1939, avant qu'elle ne s'exile aux États-Unis. En 1966, marquée par les travaux de Hannah Arendt sur le totalitarisme, et mesurant la chance qu'elle avait de disposer d'un tel matériau, Charlotte Berat a écrit un ouvrage de restitution et d'analyse de ses rêves récoltés en régime nazi. Certes, ne confondons pas tout cela avec nos inquiétudes de spectateurs, souvent à distance, des événements qui nous perturbent. Néanmoins, pour réfléchir aux traces politiques dans nos rêves et nos cauchemars, le livre de Charlotte Berat est précieux. Et il y a un autre penseur atypique qui donne beaucoup à réfléchir sur ce sujet, c'est Pierre Paché, écrivain disparu en 2016, qui était passionné par le sommeil. À lui aussi, nous consacrons cette émission. Je vous propose même que nous la lui dédions. Bonjour Martine Lebovici. Bonjour Géraldine Mühlmann. Vous êtes philosophe, spécialiste notamment de l'œuvre de Hannah Arendt, sur laquelle vous avez beaucoup publié. Vous avez préfacé l'édition française du livre de Charlotte Berat, Rêver sous le Troisième Reich, traduit par Pierre Saint-Germain et paru aux éditions Payot, d'abord dans la collection Critique de la politique de Miguel Abinsourd, puis en poche. Et bonjour Claude Mouchard. Bonjour. Professeur émérite de littérature de l'Université Paris 8, membre de la rédaction de la revue Poésie depuis sa fondation en 1977. Vous êtes écrivain et poète. Vous connaissiez très bien Pierre Paché, l'homme et l'œuvre. Vous nous parlerez ce matin de ses réflexions sur le sommeil, notamment sur la conscience morale qui, disait Paché, est à l'œuvre encore dans nos rêves. Lorsqu'on évoque le ou les traumatismes, on renvoie souvent à la mémoire et au passé. Or là, au travers des rêves recueillis, collectés par Charlotte Berat, on voit que le traitement du trauma par la psyché se fait en temps réel, pas du point de vue de la mémoire, mais au moment même où les choses se jouent, se passent. Non seulement en temps réel, mais à un moment particulier où la conscience extérieure, non seulement la conscience extérieure des personnes qui rêvent, mais la conscience extérieure du monde n'a pas compris ce réel qui est en train de monter. Donc non seulement... Vous voulez dire qu'il y a une intelligence du rêve qui anticipe sur la théorie qu'on peut faire ou l'analyse qu'on peut faire rationnelle des événements. Voilà, c'est le caractère d'ailleurs exceptionnel de cet ouvrage. Et Charlotte Berat parle du sismographe, c'est-à-dire finalement c'est l'inconscient qui est le premier à comprendre. Donc il est le premier à comprendre dans un monde qui ne comprend pas et qui ne veut pas comprendre. Donc il y a un renversement, ce ne sont pas seulement des documents exceptionnels, mais il y a bien un renversement du regard qui s'opère. D'accord. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Vous venez d'entendre le psychanalyste Bernard Lampert à propos du livre de Charlotte Berat, Rêver sous le Troisième Reich. Bon, on va voir, nous, comment on analyse le livre. La conceptualité de Bernard Lampert est peut-être légèrement différente de celle de mes invités d'aujourd'hui. Ce que je voulais surtout introduire le livre et vous demander, Martine Lebovici, comment vous avez rencontré, si j'ose dire, ce texte, ce livre de Charlotte Bérat. Et alors, effectivement, ce livre, l'histoire de ce livre pour la France est vraiment une histoire de passeuse. Et je dis au féminin parce que la personne qui m'a fait connaître Charlotte Bérat, c'est Anne Stern, qui était très liée par sa mère à Ascona, où vivaient Hélène et Karl Hauten, qui étaient eux-mêmes des grands amis de Charlotte Bérat. Et c'est elle qui... Elle a d'ailleurs pas mal parlé dans ses séminaires de ce livre aussi. Donc Anne Listern, pour en dire un mot. Alors Anne Listern est une psychanalyste qui est décédée aujourd'hui et qui est passée par les camps et qui a travaillé beaucoup sur l'articulation ou la non-reconnaissance par la psychanalyse du réel des camps. Et donc son travail, en particulier le livre... qu'avec Nadine Fresco, nous avons préfacé et organisé Le savoir déporté, où on peut aborder son œuvre. Et comme je connaissais, j'ai eu l'occasion de parler de ce livre à Miguel Abinsour, qui l'a trouvé absolument impressionnant et qui donc a décidé de le faire traduire et de le publier dans sa collection. Dans une collection Critique de la politique. Critique de la politique. Voilà. Il y a quand même beaucoup de textes très théoriques. Oui. Et là, ce livre plein d'empirie, plein de récoltes de matériaux extrêmement singuliers, intimes. C'est un grand texte politique qui part de l'intime. Exactement. Mais justement, ce qu'il faut bien voir avec le livre de Charlotte Bérat, c'est que ça n'est pas seulement un recueil de rêves les uns après les autres, à partir desquels les lecteurs, bien évidemment, vont produire des interprétations. Mais elle a fait un livre, Charlotte Bérat, c'est-à-dire que son matériel qu'elle a récolté donc dans les années 33-39, au moment, justement, surtout dans les années 33, où le nazisme était encore... Hitler était arrivé au pouvoir, mais le totalitarisme n'était pas encore complètement constitué. Et c'est très important aussi de rappeler ça, précisément par rapport à l'histoire du sismographe dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que Bernard Lampert. Oui. Voilà, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait des espèces de signaux qui émergeaient du réel, qui allaient à la fois rentrer dans les individus, franchir leur intimité, mais en même temps qui... Enfin, on en reparlera peut-être, mais il y a toute une réorganisation par le préconscient aussi, si on veut parler en termes psychanalytiques. On peut peut-être parler du titre, puis on reviendra sur les conditions dans lesquelles elle a écrit ce livre. Claude Mouchard, je me tourne vers vous parce que Pierre Paché, qui s'intéressait beaucoup au sommeil, a fait un compte-rendu du livre de Charlotte Bérat en 2005, le livre étant paru chez Payot donc en 2002. Et lui, comme Martine Lebovici d'ailleurs dans sa préface, note que c'est un singulier titre. En fait, on ne peut pas traduire l'allemand. Le titre allemand, c'était « Das Dritte Reich der Traums ». Il faudrait traduire par le troisième Reich du rêve ou le troisième empire du rêve. D'ailleurs, on a du mal parfois à se rappeler que Reich, c'est empire. Mmh. Et en fait, ça ne va pas, mais en même temps, en le disant, on voit bien quel est l'enjeu. Mmh. Et il y a quelque chose de ce pouvoir autoritaire puis totalitaire qui entre dans l'espace du rêve. Mmh. C'est ça le sujet. Oui, oui. Peut-être qu'il y a aussi un regard inquiet sur le rêve au sens où il peut avoir quelque chose d'une emprise, justement. Oui. Il peut avoir une analogie avec l'emprise totalitaire. Mais chez Paché, il y a un tel désir, je le dis tout de suite, c'est un sujet... Mais très toujours, bien, plantons mais... le décor, je suis oui, tout à fait d'accord. Chez Paché, il y a une des affirmations les plus récurrentes et paradoxales et provocantes même, c'est la conscience. Justement, c'est à quoi peut-on comparer la conscience? Il emploie cette expression à tel ou tel moment. Donc, pour moi, c'est central chez Pachet. Ça peut provoquer toutes sortes de débats et discussions. Par exemple, avec Lefort, dans l'article que Lefort a fait sur Pachet, dans le numéro de critique qui a été consacré à Pachet, Lefort vraiment s'insurge contre la conception de la conscience qui est celle que Pachet affirme. Donc, je m'arrête là, mais il y a une espèce de... Quand on le décore, je suis d'accord. Donc, Pachet, bon, il a écrit beaucoup de choses et dans les années 1980, il publie plusieurs ouvrages où il s'intéresse aux rêves. L'intime, la conscience dans son intimité l'intéresse éminemment, le récit de soi notamment, intime, mais il considère vraiment que ce qui se passe la nuit dans nos rêves n'est qu'une une poursuite de la conscience, ce n'est pas un espace exactement, séparé. Exactement, exactement. Ça me paraît essentiel chez Pachet. Vous avez un peu employé le terme de poursuite. J'emploierais aussi le terme de continuité, finalement. Oui. C'est-à-dire que il s'agit de maintenir une continuité du soi à travers d'affirmer, non pas théoriquement, Pachet n'est pas exactement un théoricien, c'est une sorte d'essayiste, à la fois quasiment poétique par moment, et continuité du soi à travers le sommeil, le rêve, la veille. Ça, je crois que c'est pour lui capital. Donc après avoir écrit des livres comme Nuit étroitement surveillée en 1980 chez Gallimard, ou encore La force du sommeil en 1988 aussi chez Gallimard, il est évident que Pachet, quand est sorti le livre, que à l'initiative quand même de vous, Martine Lebovici, est préfacé par vous, le livre de Charlotte Bérat sur rêver, les rêves des gens sous le Troisième Reich, évidemment il a été passionné, c'était logique, et on reviendra aux enjeux de l'œuvre propre de Pachet. Restons un instant maintenant sur Charlotte Bérat. Donc elle s'est envoyée ses lettres. C'est-à-dire que comme c'était très dangereux de posséder ses lettres, c'était vraiment l'intimité des gens, et puis on va voir ce qu'ils disaient, elle se les a envoyées et elle les a récupérées en exil aux États-Unis. D'abord en Angleterre. En Angleterre, d'accord. C'est-à-dire que, justement, ce qui est très intéressant aussi, c'est que en soi, décider dans n'importe quelle société démocratique d'aller recueillir les rêves des gens, ça n'a rien de dangereux. Oui. Mais il faut rappeler qu'elle avait été communiste et qu'elle était encore à l'époque... Elle dit plus tard que c'est pas en tant que juive qu'elle a fait ce travail, mais c'est en tant que communiste. Communiste résistante au nazisme. Et donc, faire ce travail dans les années 33-39 en Allemagne, c'était un acte de résistance. Alors pourquoi c'est un acte de résistance? Pas parce que elle a fait quelque chose d'extraordinaire, mais parce que elle établissait avec les autres une relation qui n'était pas dans les codes du totalitarisme, et donc elle établissait quelque chose qui, par le geste même, était un geste de résistance, d'aller contre la teinte aux relations humaines dans le total. Elle va comprendre, mais ça va être vraiment le cœur de notre émission, que le rêve est un mode de pensée qui est subversif. Justement, le pouvoir essaye de s'immiscer, de l'empêcher. Beaucoup de rêves, nous allons comprendre, disent « je rêve encore ». Au fond, c'est ça, alors on verra. J'y arrive encore, et c'est pas du tout sûr que j'y arriverai demain, je ne rêverai peut-être même plus. Mais en même temps, ce qui est très troublant dans ces rêves, dans leur contenu, c'est aussi qu'ils sont des rêves d'adaptation au régime. On sent et la domination. Les deux, et c'est ça qui est intéressant à analyser. Et la résistance, c'est encore un peu. C'est qu'est-ce qu'il y a de. Enfin, il y a le geste de Charlotte est un geste de résistance. Ce qu'elle apprend par les rêves, c'est aussi l'adaptation intériorisée par les rêveurs. Alors, écoutez, je vous propose qu'on évoque tout de suite le cœur du problème de Charlotte Bérat. Elle dit, à la fin de son livre, les manifestations du totalitarisme doivent être reconnues avant qu'on n'ait plus le droit de dire « je », mais seulement d'être obligé de parler de telle façon qu'on ne se comprend plus soi-même, avant que commence ce qu'elle appelle la vie sans mur. Et la vie sans mur, ce serait l'achèvement du totalitarisme. Et ce qui est très troublant, c'est qu'elle a trouvé cette métaphore dans le rêve de quelqu'un, le rêve d'un médecin de 45 ans, donc en 1934, qui évoque le fait que, à un moment donné, le régime aurait fait tomber tous ses murs et se serait installé dans sa vie privée. Mmh. C'est un rêve très important qui a beaucoup marqué Paché lui-même. Dans son compte-rendu, il en parle. La vie sans mur, c'est une incroyable métaphore inventée, si j'ose dire, par un inconscient, préconscient ou une conscience, comme on voudra, d'un Allemand de 1934. Alors, justement, le terme d'invention est très important parce que on est devant la capacité du psychisme à inventer des formes et qui sont proches de la littérature. Et je crois que c'est très important chez Bérat aussi, c'est qu'elle était une très grande connaisseuse de la littérature et qu'elle rapproche constamment les inventions psychiques qu'elle trouve dans les rêves de la littérature, et ça lui permet aussi de comprendre ce qui se passe. Maintenant, pour ce rêve de la vie sans mur, il y a effectivement ce... Il n'y a pas seulement que le rêveur se retrouve chez lui et tout d'un coup les murs tombent, mais que c'est un décret. C'est oui, parce qu'il y a eu un décret. Je vais lire le rêve qu'elle se retranscrit. Effrayé, je regarde autour de moi, aussi loin que porte le regard, donc voilà. Il est dans son salon, hein. Oui. Plus de murs aux appartements, j'entends un haut-parleur hurler, conformément au décret sur la suppression des murs du 17 de ce mois. Alors là... Il y a deux choses extrêmement importantes d'entrée qu'on va retrouver d'ailleurs dans plusieurs... C'est d'abord un hurlement et ensuite des décrets. Et ce que un très grand nombre de rêves énoncent, c'est qu'ils inventent des décrets complètement absurdes. Le nazisme. Hein, ou les dans rêves, les rêves. qui correspondent très très exactement au nazisme. Et j'ai trouvé dans un des textes de Victor Klemperer, moi qui m'a paru quelque chose, à un moment réellement, on voyait des ballons de football avec la croix gammée, c'est-à-dire des choses absurdes où le décret sur les possesseurs de chats ne peuvent plus être juifs, et c'est des décrets qui tombaient constamment dans une absurdité totale. Et ça, dans les rêves, ça revient tout le temps. Hein, vous voulez dire un mot là-dessus, Claude Mouchard, sur la vie sans mur et les décrets nazis vus dans les rêves comme interdisant l'existence des murs. Oui, enfin, je fais peut-être un pas de côté, mais par rapport à cette citation en particulier de ce rêve, et de la suppression des murs, hein, sur la suppression des murs du 17 de ce mois, il y a autre chose dans cette citation... qui peut-être pour des raisons un peu trop personnelles, me touche beaucoup, c'est la mention du peintre Matthias Grünewald. Oui. Hein, oui, c'est tout de même, oui, c'est, et ça revient. En train de lire, le rêveur dit qu'il était en train de lire dans son salon un livre de ce Matthias Grünewald. Et ensuite, plus loin, je ne possède pas de livre sur Grünewald, mais manifestement, j'ai pris le retable 19 minutes. Je ne sais pas si vous connaissez cette œuvre-là de Grünewald. Moi, je l'ai, pour avoir passé 2 ans en Alsace, je l'ai vu, je ne sais combien de fois. C'est l'œuvre probablement picturale que je connais le plus. C'est passionnant pour qui s'intéresse au rêve. C'est une œuvre folle, absolument. C'est une œuvre. Donc le rêve parle de la richesse des rêves. Et oui, alors là vraiment, c'est en particulier là, il y a plusieurs panneaux, n'est-ce pas, admirable, absolument admirable. C'est un contemporain de Dürer. Hein. Il y a un panneau qui est la tentation de Saint Antoine. Donc c'est là, et là il s'est mentionné là dans le texte qui est cité dans le livre. La tentation de Saint Antoine, c'est évident, on voit le rapport à la psychanalyse, le déversement de rêves cauchemardesques, mais aussi le rapport au totalitarisme. Et ce qui est dit dans le livre ici, c'est je n'ai pas lu de livre sur Grünewald, je ne possède pas de livre sur Grünewald, mais manifestement, j'ai pris le retable d'Isenheim, c'est l'œuvre que je mentionnais, comme cela se fait souvent, comme symbole le plus pur de la germanité. Ça me trouve beaucoup, à vrai dire, ça me choque. Vraiment. Et en fait, le rêve, il croit dans quelque chose comme la germanité qui, au moment même où il rêve, est brandi comme étant quelque chose que les nazis défendent avec ardeur. On sent la confusion des sentiments, pour parler comme Zweig. Moi, je dirais pas ça. Non, moi, je dis, c'est aussi l'ambivalence du rêve. Oui, l'ambivalence. C'est-à-dire que le rêveur est persuadé, enfin, il se persuade que on va lui foutre la paix. Parce que il y a un truc bien, Germain. Mais en réalité, et ça a un double sens, c'est-à-dire qu'en réalité, Matthias Grünewald, c'est peut-être aussi, on peut à partir de là en faire une critique aussi de l'emprise. Oui, absolument. Libération de. Et c'est ça qui est constamment intéressant dans tous ces rêves, c'est que et c'est ça le rêve aussi, c'est que le rêve permet d'énoncer quelque chose d'interdit. Enfin, par exemple, je rêve que ce qu'il est interdit de rêver, c'est extraordinaire, parce que ça dit qu'il est interdit de rêver, et en même temps, ça contredit l'interdit, puisqu'on est en train de rêver quand il est en train. Voilà. Et dans tous les rêves, il y a constamment cette ambivalence, et ça, c'est la puissance du rêve. La puissance du rêve. C'est justement. Alors, cette on va prendre d'autres exemples. D'ambivalence, quoi. On va prendre d'autres exemples, notamment, on sent bien l'angoisse du suis-je vraiment à l'abri, par exemple, chez cette jeune fille non juive de 22 ans. Je fournis au bureau de certification de l'arianité une attestation concernant ma grand-mère, pour l'obtention de laquelle j'ai couru pendant des mois. L'employé, qui ressemble à une statue de marbre, est assis derrière un mur, tend le bras par-dessus ce mur, prend l'attestation, la déchire en morceaux, qu'il brûle dans un foyer installé dans le mur. Et maintenant, est-ce que tu es encore purement arienne ? Donc ça, c'est un rêve d'une arienne, donc, comme disait le régime, lu ici pour nous par Carla Michel de l'équipe d'Avec Philosophie, et donc restitué dans l'ouvrage de Charlotte Bérat, Rêvé sous le Troisième Reich. Charlotte Bérat, dont je rappelle pour les auditeurs qui viendraient nous rejoindre, que c'est une Allemande qui a recueilli entre 1933 et 1939 300 rêves d'Allemands, et elle les a édités, elle a construit toute une analyse avec une restitution de ses rêves dans un ouvrage de 1966. Je voudrais qu'on aille encore un peu plus loin pour voir ce que rêve notamment une certaine jeunesse. Là, vous avez un autre exemple d'une étudiante de 22 ans, elle, qui se pose une très claire conscience morale. Elle vient de quitter son ami juif, pensant qu'il fallait obéir, évidemment, à ce que le régime impose. Mon ami est attaqué. Je ne l'aide pas. On le transporte ensuite sur une civière. Il a le même visage émouvant d'une pâleur mortelle que pendant le cours de ratiologie. Mais son corps est un squelette. Seulement, à la place du cou, est resté accroché un lambeau de chair sanglante. Une fois, pour me consoler, je me dis « Mais c'est de la propagande. C'est une ancienne affiche contre Hitler. » Donc effectivement, il existait une affiche anti-hitlérienne montrant un squelette. C'est très compliqué ce rêve parce que, en vérité, elle est culpabilisée probablement d'avoir quitté son ami juif. Elle rêve qu'il est torturé, attaqué, tué. Et puis au fond, elle se dit mais non, c'est pas vrai. C'est le problème du rapport au réel. C'est pas vrai. C'est juste, on me le fait croire comme je le vois sur les affiches. La culpabilité n'est qu'un élément du rêve. Il y a le problème du réel qui n'est pas sûr. Il y a cette espèce d'incertitude sur ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai dans ce régime. Mais moi, j'aimerais bien revenir sur le premier rêve. Mais allez-y, avec plaisir. Le rêve de la jeune femme non juive qui invente. Enfin, non, le bureau, le certificat de l'arianité, il existait vraiment. Absolument. Hein. Et donc elle se procure cette attestation. Il y a aussi l'employé qui ressemble à une statue de marbre. Alors ça aussi c'est extrêmement important dans tous les rêves, c'est-à-dire le côté glacial, le côté marbre des employés et de tout le monde. Au fond, je ne sais pas si vous avez remarqué comment dans beaucoup de rêves, le rêveur, le héros du rêve, se trouve dans une situation où il ne peut pas trouver de secours parce que tout le monde a des visages inexpressifs. Ça revient constamment. Mais moi, ce qui m'a beaucoup intéressée dans ce rêve, et d'ailleurs le chapitre commence par une citation d'Anna Arendt, c'est un aspect de l'analyse d'Arendt de l'antisémitisme totalitaire nazi qui est assez rarement évoqué. C'est-à-dire que ce qu'Arendt écrit dans Les origines du totalitarisme à propos du nazisme, c'est que chaque citoyen dut prouver qu'il n'était pas juif, oui, Ainsi, ne pas être juif devient la préoccupation intime de chaque individu dans son existence personnelle. Et elle ajoute que ce à quoi, au fond, servent ces injonctions bureaucratiques, c'est un principe d'organisation. C'est-à-dire que ça permet d'organiser les gens, c'est-à-dire que chacun, et c'est ça qui est extrêmement intéressant qu'on voit là. Dans le rêve, oui. C'est-à-dire que l'antisémitisme n'a pas seulement, bien évidemment, frappé les Juifs, mais avec ces mesures, chacun, n'être pas juif, était la préoccupation intime de chacun. Et je n'ai trouvé nulle part dans les analyses du nazisme, de l'antisémitisme, cet aspect-là que j'ai trouvé chez Arendt. Donc le rêve dit quelque chose d'intime et de très présent dans le quotidien des gens qu'on n'a pas si souvent accentué à propos de ces premières années du nazisme, c'est-à-dire ce besoin permanent et en tout cas très officiel de dire qu'on n'est pas juif. Oui, enfin, non seulement de le dire, mais de l'établir. D'avoir un papier. Mais d'ailleurs, et je pense que dans tous les pays occupés par les nazis, je crois que c'était. Alors, maintenant, sur l'autre rêve qui est. Il me paraît très significatif de l'atteinte à la solidarité qui est constitutif du nazisme, hein. C'est-à-dire que le totalitarisme, effectivement, ça ressort absolument de tout le rêve, détruit la relation humaine et la conscience morale, effectivement. Et là, il y a en même temps la conscience morale, on la détruit pas du jour au lendemain, mais là, on sent qu'il y a un conflit entre, effectivement, la conscience que cette jeune fille a, qu'elle devrait aider, et en fait, le fait qu'elle ne le fait pas, quoi. Je vous propose un autre rêve maintenant qui va nous permettre de parler d'un aspect que vous soulignez dans votre préface au livre de Charlotte Bérat, Martine Lebovici, qui est la question du grotesque et du ridicule, à la fois du point de vue, enfin, pour ce qui concerne les dirigeants nazis, quelque chose de clownesque. On a d'ailleurs parlé de ça déjà ici, on a fait une émission sur les clowns. Et le résistant aussi se sent clownesque. Écoutez, c'est lu cette fois-ci par Anna Fulpin. Goebbels vient dans mon usine. Il fait se ranger le personnel à droite et à gauche. Je dois me mettre au milieu et lever le bras pour faire le salut hitlérien. Il me faut une demi-heure pour réussir à lever le bras, millimètre par millimètre. Goebbels observe mes efforts comme s'il était au spectacle, sans applaudir ni protester. Mais quand j'ai enfin le bras tendu, il me dit ces cinq mots. Votre salut, je le refuse. Fait demi-tour et se dirige vers la porte. Je reste ainsi, dans mon usine, au milieu de mon personnel, au pilori, le bras levé. C'est tout ce que je peux faire physiquement, tandis que mes yeux fixent son pied beau pendant qu'il sort en boitant. Jusqu'à mon réveil, je reste ainsi. Mécanique du geste, Claude Mouchard, vous êtes poète. Là, vous avez... Et oui, il y a cette question du clown là, qui à la fois c'est tragique. C'est-à-dire que on a l'impression d'être un peu comme chez Charlie Chaplin. C'est-à-dire que c'est un rêve chaplinien. Le Goebbels, c'est un clown, mais le rêveur se voit transformer lui-même en clown. Et puis il y a tout ce problème qui est comment peut-on parler de clownerie sur des choses aussi graves. Tout ça est là dans le rêve, Claude Mouchard. Oui, non, je ne peux qu'acquiescer à ce que vous venez de dire. Et cet entrenrobement du grotesque et du déchaînement, de la fureur meurtrière, c'est une des réalisations les plus invraisemblables, on peut le dire, du nazisme. Et ceci dit, on pourrait trouver des ascendants à ça chez Shakespeare, par exemple, je crois. C'est-à-dire que le mal politique a quelque chose de clownesque. Et là, on rencontre un point que vous soulignez beaucoup dans votre préface, Martine Lebovici, c'est que c'est vraiment une forme de connaissance, le rêve. Le rêve trouve quelque chose qui est extrêmement pertinent à propos de ce régime. Oui, c'est-à-dire que ce qui est très important, ce qui apparaît beaucoup dans beaucoup de rêves, c'est la caricature. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la caricature ? C'est de prendre des traits saillants du réel et de les exagérer. Et aussi, un autre aspect qui apparaît, enfin, c'est la question de l'humour noir aussi, hein, qui apparaît. Oh, merci, on vient de finir une série sur l'humour, et on a traité l'humour noir. Oui, j'ai un peu laissé les questions politiques de côté, mais merci d'y aller, justement. Justement, ce rêve-là, qui est le rêve qui par lequel Charlotte Bérat commence son livre, parce qu'il lui paraît le plus typique, au fond, de ce qu'elle a reconnu dans la plupart des rêves. Donc, on retrouve effectivement le rêveur qui est au milieu de personnages qui sont aussi, qui n'interviennent pas, quoi, qui laissent. Et puis, Goebbels, la froideur, son adaptation, petit à petit, à faire le salut hitlérien. Et effectivement, Bérat dit que c'est une parabole parfaite de ce qui est en train de se passer. Mais à la fin du rêve, il remarque. Enfin, il s'est adapté, mais à la fin, il remarque le pied beau. C'est-à-dire quelque chose de ridicule qui est quand même... Quelque chose qui cloche. Bah oui. Cloche, c'est le cas de le dire, oui. Parce que Goebbels avait effectivement... J'ai fait exprès. Voilà, Goebbels avait effectivement un pied beau. Et alors, ce qui est aussi... Alors, par rapport au grotesque, je crois que il y a le grotesque de toutes ces mises en scène, de ce personnage que Chaplin avait parfaitement bien compris. Et une question que Bérat pose et que Klemperer pose aussi. Alors je rappelle juste, parce que vous avez cité ce nom pour les auditeurs, Victor Klemperer a écrit un livre très important sur le langage sous le nazisme, comment un pouvoir agit même sur le langage. Et donc Bérat, c'est un vrai contrepoint, ça agit sur les rêves aussi. Oui, c'est-à-dire que Klemperer recueille des éléments de langage. Tous les jours, il a son carnet où il note des expressions qu'il entend à l'extérieur. Et il parle du grotesque aussi et il se demande pourquoi les Allemands n'ont pas ri. Pourquoi ils n'ont pas ri Alors, ça me fait penser à une situation présente, c'est-à-dire Trump. C'est-à-dire qu'il y a là, on a véritablement là un personnage grotesque avec des gens qui ne rient pas. C'est vrai. Hein et il n'est pas le seul. Il y a Milei aussi en Argentine, qui est un summum de grotesque. Les gens ne rient pas. Oui. Et c'est une question que se posait Bérat et que se posait aussi Klemperer. Et l'autre chose par rapport au grotesque, le plus et qui apparaît dans un des rêves de Juif, justement celui de celui qui veut céder la place au papier, c'est que le grotesque est retourné contre la victime. C'est elle qui devient grotesque. C'était tellement saillant par rapport aux Juifs. On a tous des images de ce qui s'est passé à Vienne quand les nazis ont de ces gens qu'on fait etc. Laver à la brosse à dents. Et c'est la victime qui devient ridicule. C'est la victime qui devient ridicule, mais aussi c'est que tout geste de résistance. Tout geste dans les rêves, le héros qui cherche à résister, il est complètement ridicule. Eh bien, on y va justement. On va entendre un autre rêve d'un ophtalmologue qui... je ne dis rien, on écoute son rêve. Les SA posent du fil de fer barbelé aux fenêtres des hôpitaux. Je me suis juré de ne pas me laisser faire s'ils viennent dans mon département avec leur barbelé. Je me laisse pourtant faire. Je suis là comme une caricature de médecin lorsqu'ils enlèvent les vitres et transforment une chambre d'hôpital en camp de concentration avec barbelés. Et pourtant, je suis renvoyée. Mais on me rappelle, pour soigner Hitler, parce que je suis le seul au monde à en être capable. Honteux d'en être fier, je me mets à pleurer. Honteux d'en être fier. Mmh. C'est tous les sentiments mélangés. Là, ouais. Et Claude Houchard. Non, juste du côté du grotesque. Oui. Peut-être il faudrait. Je n'ai pas. Je pense à un livre tout à fait passionnant, c'est celui de Rek Malek Devan. Je ne sais pas si vous connaissez ça, non? Moi non. Qui est-ce qui le cite? En tout cas, c'est un texte absolument passionnant. Rek Malek Devan, c'est La haine et la honte, journal d'un aristocrate allemand 1936-1944. Oui. C'est formidable. Et c'est un type absolument anti-nazi, mais là vraiment, ouais. Alors, il montre les nazis physiquement dans la rue, il est pas du tout menacé. Hein. Ouais. C'est un aristocrate allemand, comme il dit, mais pour est-ce qu'il le dit peut-être de façon un peu humoristique, mais c'est un homme de la bonne société. Il s'enferme chez lui, il veut absolument rien avoir à faire avec ce qu'il environne. Il finira à Dachau, hein, à Dachau. C'est un livre absolument passionnant. Ouais. Vraiment. Et ce grotesque dont vous parlez, c'est vrai, vous avez évoqué Trump et aussi. Vous aviez aussi Milley, oui. La différence, peut-être, c'est que ils sont quand même divertissants pour les gens qui votent pour eux. Oui. Il y a quelque chose. Alors, c'est pas oui. Là où vous avez parfaitement raison, c'est qu'ils ne rient pas d'eux, mais ils rient avec eux. Oui. Ils rient quand même, mais ils rient avec eux. Oui, les gens qui votent pour Trump ou qui votent pour. Il y a des déchargements de rire. Qui sont clairs, une sorte de divertissement. Alors que les régimes vraiment totalitaires, on est encore au-delà de ça. On peut pas imaginer de rire avec Hitler. Oui, mais c'est différent. Moi, je pense qu'on. Mais on rit de soi-même, en fait. Oui, c'est terrible. Moi, on est grotesque. On a là aussi toute la différence de notre société, c'est-à-dire que entre Hitler et aujourd'hui est passé la télévision, le déchaînement des médias, etc. Et donc oui, c'est vrai, ces figures-là, ces figures modernes. La figure de Hitler s'appuie sur des schèmes qui étaient présents dans l'Allemagne des années 30, mais 20-30, etc. Mais là, ce qui serait intéressant à analyser, c'est ce grotesque-là, sur quoi il s'appuie dans la société contemporaine. Donc ça, c'est en effet un autre sujet, mais je suis ravie que sur des... Enfin, je veux dire, le nazisme, c'est pas répétable comme ça tous les jours. Il est en rien, nous ne voulons dans cette émission dire que voilà, ça se passe comme dans les rêves des rêveurs interrogés par Charles Berat. Mais que ça nous fasse réfléchir à aujourd'hui, c'est le seul objectif. Alors maintenant, je voudrais qu'on parle de Paché. Paché, lecteur de Berat, certes, mais Paché réfléchissant au sommeil. Alors, ce qui est très intéressant, dans cette toute première démarche, je pense à ce livre « Nuit étroitement surveillée » de 1980, c'est qu'il veut aller, avant Freud, retrouver certains psychologues qui analysaient leurs propres rêves, en particulier Delboeuf, et qui disaient des choses sur le fait que dans le rêve, on maîtrise quand même un tout petit peu les choses. C'est pas, on ne subit pas. Il y a un certain pouvoir du rêve sur son rêve. Delboeuf, s'auto-analysant, disait, auto-analysant son rêve, qu'on peut le reprendre, vouloir le terminer. Parfois, ça marche dans la nuit. Donc, on peut un peu agir dans le rêve. Paché écrit, ce n'est certes pas un pouvoir tout puissant, mais c'est un pouvoir quand même. Ce qui mène à la question de la responsabilité du rêveur sur un mode assez inédit. Claude Mouchard, vous qui l'avez connu. Oui, j'ai connu Paché. Oui, vous avez connu Paché, pas Delboeuf. Mais tout de même. Non. mais Paché, il se réveillait la nuit pour interrompre ses rêves et les reprendre. C'est vrai, ça? Moi, je ne l'ai pas connu. Je l'ai connu un petit peu comme Martine Lebovici, mais je ne sais pas ce qu'il faisait dans les années 80. Mais c'est surtout que la scission, la séparation entre veille, sommeil, rêve, est quelque chose à quoi, au fond, il me semble, hein, qu'il ne pouvait pas se résoudre. Voilà. Il y a le désir d'une sorte de vigilance du soi. Le soi, c'est très important chez Paché. Qui fait que, y compris la pensée freudienne, il est en... Il y a quelque chose qu'il n'accepte pas véritablement. En tout cas, il choisit son Freud, parce que par ailleurs, dans Aux aguets, ce livre de 2002, il évoque des textes que Freud a écrits en 1925 pour corriger l'interprétation des rêves, la Traumdeutung. Oui. Quelques additifs à l'ensemble de l'interprétation des rêves. Et là, il s'intéresse à ce que dit Freud quand il corrige certaines choses, notamment lorsqu'il évoque une certaine responsabilité morale du rêveur dans ses rêves. Et Freud l'évoque là, en 1925. D'accord. Très bien. Et ça, ça, voilà. Pachet, ça l'intéresse. Voilà. Et responsabilité du rêveur, et non pas cette espèce, comme dans une idée peut-être vulgarisée de la psychanalyse, où le rêveur serait complètement livré à des choses sur quoi il n'a aucune responsabilité. Mais chez Pachet, c'est très important. Pour le dire très vite, il me semble qu'un des traits les plus obsédants chez Pachet, c'est celui de la continuité. Oui. C'est-à-dire ne pas lâcher. Donc ne pas lâcher la conscience. En fait, on ne lâche rien dans le sommeil. Rien. Mais Pachet s'insurge au fond plus ou moins explicitement contre tout ce qui tout d'un coup dirait on n'a aucune responsabilité, on n'a aucune. Non, lui, il y a un sens de la continuité. Du soi pensant, du soi sentant, c'est pour ça que c'est difficile de dormir. La oui, c'est pour dorme. Ça exactement. Il le disait, Martine Lebossi, je suis sûr que vous pouvez en témoigner aussi. Pachet disait souvent, il dînait le soir au restaurant, il disait bon ben maintenant il va falloir dormir. Oui. C'est quand même la force. Il faut cette force là. Oui. C'est dur quoi, parce qu'il va nous arriver plein de choses. Oui, c'est ça. C'est une tâche de dormir. Oui. Mais c'est vrai. Il y a quelque chose de très très spécifique. Et si je peux dire deux mots sur cette histoire de continuité, il me semble, vous évoquiez les textes où Pachet évoque ça, non seulement son enfance, mais son père et sa mère avant sa naissance. Il y a chez Pachet un désir de continuité, enfin, qui est vraiment quelque chose de... Il n'y a pas d'interruption réelle de la conscience pour lui. Il y a des moments où les défenses, dit-il, cèdent, il reprend clairement à Freud, oui. Mais ce n'est pas du tout... D'ailleurs, ce n'est pas vraiment reposant. Alors, contrairement aux gens qui... En fait, nous rêvons, c'est beaucoup d'énergie, mais il paraît que le cerveau se repose aussi de cette façon. Enfin, c'est assez troublant, ce fonctionnement. Oui. Lui, il voyait la fatigue et l'effort là-dedans. Alors, évidemment, il s'est aussi penché sur des rêveurs en situation exceptionnel, et en particulier les prisonniers. Il évoque le cas de Jean Zay. Donc Jean Zay, je rappelle qu'il a été un très jeune ministre de l'Éducation nationale du Front populaire à 32 ans en 1936. C'est un membre du parti radical. Et puis après le procès d'Eurium, il sera emprisonné. Et dans sa prison, il va raconter l'importance des rêves pour lui. Je vous propose d'écouter un texte de Jean Zay. Au fond, il y a une idée qui traîne. Et ce texte devrait être l'occasion de l'assassiner proprement. Cette idée, c'est une mauvaise interprétation de Freud, à mon avis, qui consiste à croire que le rêve, c'est la réalisation plénière du désir. Selon une image qui a souvent été reproduite, où on voit le prisonnier dans sa prison, qui s'évade par la fenêtre, grâce à son rêve. J'ai eu l'occasion d'en parler dans un livre précédent, en analysant par exemple les rêves de Jean Zay dans sa prison, et ce qu'il en dit. Le prisonnier, en effet, rêve qu'il s'évade, et cependant, un moment du rêve qu'il ne peut pas éviter lui rappelle sa condition de prisonnier. Et je dirais que ce qui est crucial dans le rêve, c'est que c'est un moment où il y a cette régression hallucinatoire, etc. Mais c'est aussi que une vérité que nous savons dans le rêve ne veut jamais être étouffée. Et en un sens, plus dans le rêve que partout ailleurs, la vérité qui est en nous veut être dite, veut avoir l'occasion de nous faire face, et je crois dans ce rêve, ce que chacun des prisonniers veut se rappeler à lui-même, c'est là où il est. Il veut à la fois s'en évader pour un moment de paix, de soulagement, c'est vrai, mais il veut savoir cette vérité, et donc il se torture lui-même. D'ailleurs, je crois qu'il faut dire, toute torture est une torture de l'homme par lui-même. C'est ça la torture, c'est forcer un homme à se torturer lui-même. Pardon, ce n'était pas Jean Zay lui-même, un texte de lui, c'était justement Pierre Pachet commentant la note de Jean Zay, le texte de Jean Zay écrit en prison. Mais bon, nous parlons de Pachet, donc c'est pas vraiment un problème. C'était dans une émission de France Culture de 1990. Maintenant, écoutez le texte de Jean Zay en prison. L'afflux des rêves nocturnes est-il en raison inverse des agitations qui emplirent la journée ? Je rêvais peu, naguère, dans les courtes nuits d'une existence surmenée. Depuis un an, je rêve chaque nuit, avec une régularité surprenante. L'esprit cherche dans le songe la revanche des journées trop monotones. Les rêves du captif, très différents de ceux de l'homme libre, sont plus riches, plus variés. L'imagination, dont les ailes se sont heurtées et blessées durant le jour aux murailles du cachot, prend son vol pendant le sommeil et assouvit sa soif d'espace. La longue nuit s'y prête complaisamment. Les rêves du prisonnier lui paraissent plus réels que son existence quotidienne. Il y retrouve confusément les anciens paysages, les visages connus, tout le cadre familier de sa vie normale, alors que sa réclusion l'en a dépouillé et lui impose une sorte de cauchemar sans consistance. C'est souvent le jour qu'il croit rêver et la nuit revivre enfin. L'esprit cherche dans le songe la revanche des journées trop monotones. C'est très important, lui qui ne rêvait pas beaucoup, dit Jean Zay. Là, il rêve énormément. Je voudrais juste rappeler, pour ceux qui n'auraient pas toute la biographie de Jean Zay en tête, que le 20 juin 1944, arriveront 3 miliciens dans sa prison, lui disant qu'ils sont des résistants, et qu'ils l'emmènent, il les croira, et en fait, c'était des miliciens qui vont l'exécuter dans les bois. C'est le contraire de Pierre Mendès France, qui sera aussi libéré dans ces conditions, mais là, c'était des vrais résistants. Et donc, il a rejoint ainsi la résistance. Donc Jean Zay ne sait pas du tout qu'il est très proche de la fin de sa vie, enfin on ne sait pas ce qu'il pense, mais ce statut du rêve, quand même on accomplit, on compense la monotonie des journées, dit-il, par le rêve en prison. Oui. On agit sur soi aussi peut-être, vous voyez. Je peux citer un autre passage des écrits de Jean Zay, de Souvenirs et Solitude, le livre qui était publié après la mort de Jean Zay, évidemment. C'est pas un récit de rêve là, mais c'est un récit de vie, une description d'une vision. Il y a ça aussi, vision du prisonnier. Oui. C'est-à-dire que c'est pas exactement dans l'alternative veille-sommeil, c'est tout d'un coup la perception qui est captée par une sorte de vision dont on ne sait pas si elle émane du réel ou de l'intériorité. Je peux lire ces quelques lignes, elles sont étonnantes. La lucarne n'est déjà plus qu'un rectangle laiteux. Le silence pèse. Nuit blanche. Comme cette expression est ironique. Je fixe au plafond une tache indécise qui m'hypnotise. Reflet agonisant du jour, araignée, sueur d'humidité, gelée sur ma paillasse, je me relève et arpente la cellule. Il y a 7 pas d'un bout à l'autre, 7 pas pour revenir. 12 fois ce trajet doit faire à peu près 1 minute. Combien faut-il de pas pour faire 1 heure? Il y a un remède qui est de se réciter des vers. Et ceux du voyage de Baudelaire me viennent naturellement aux lèvres. Citation. Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, mon cœur que tu connais est rempli de rayons. Voilà. Donc ça, ça n'est ni rêve ni veuve exactement. Et la poésie vient là. Ouais. Alors pour Paché, on sent très bien qu'en même temps, il y a tout le temps une angoisse qu'on ne puisse plus un jour rêver. À la fois, c'est très dur, c'est épuisant, il faut une force de dormir. Et il est très angoissé. Dans son texte, La force de dormir, justement, il y a tout un chapitre sur Aurélia de Gérard de Nerval qui pose le problème d'un homme qui perd la capacité à rêver. Mais par ailleurs, lorsqu'il commente Charlotte Bérat, les rêves du Troisième Reich, si je puis dire rêver sous le Troisième Reich, Paché finit son texte sur 2 exemples de rêves de Charlotte Bérat qui sont justement la fin de la capacité, qui évoquent la fin de la capacité à rêver. L'un de ces rêves, une femme dit « Je rêve qu'en rêve, par précaution, je parle russe, je ne le connais pas, en outre je ne parle pas en dormant, mais je parle russe pour que je ne me comprenne pas moi-même et que personne ne me comprenne si je disais quelque chose à propos de l'État parce que c'est interdit et que cela doit être dénoncé. » Donc là, c'est l'image d'une femme qui parle une langue étrangère et qui envisage de ne plus se comprendre elle-même, ce qui quand même empêche un peu de penser et de rêver. Et surtout, il évoque un jeune homme, c'est peut-être le fantasme du totalitarisme accompli, qui dans un rêve raconte son rêve ainsi, « Je rêve que je ne rêve plus que de carrés, de triangles, d'octogones, qui ressemblent tous à des gâteaux de Noël, parce qu'il est interdit de rêver. » Paché, c'est là-dessus qu'il termine son commentaire de Bérat. C'est son angoisse fondamentale. Oui. De ne plus arriver à rêver. Et ça, le politique est capable d'y arriver, de nous empêcher de rêver. Empêcher de rêver, oui. Oui, je ne sais que dire là-dessus, mais tout de même, reste très singulière la conception qu'a Paché de la tripartition veille, sommeil, rêve. Ça, vraiment, il y a quelque chose de très, très... dans une sorte de... Paché parle très directement, hein, il ne fait pas de construction. Mais en même temps, il y a quelque chose de très, très paradoxal dans ce qu'il y a chez Paché à cet égard. Et je sais pas, c'est mal... on a vu dans le numéro de critique consacré à Paché, oui, un article de Lefort, et on était très amis, Lefort, Paché et moi. Et Lefort, à un moment, s'insurge véritablement contre la conception de la conscience qu'a Paché. À quoi Paché, au fond, a une espèce de... le mot serait trop fort, mais de fanatisme, j'exagère. Mais enfin, il tient contre toute objection à la conscience. Il tient les gens pour responsables de leurs rêves. Exactement. C'est donc comme si la conscience habitait le rêve, oui. Et on était toujours soi. Et la continuité, je m'arrête là-dessus, mais chez Paché, la continuité du soi, c'est une chose qui, au fond, date du fond de son enfance, du fond des circonstances tragiques où il a été enfant. Enfant caché, enfant changé de nom, etc. Oui. Et être soi, malgré tout. Martine Bovici, je crois même que vous aurez le dernier mot sur ce que vous voulez. Paché, Bérate, comme vous voulez. Les rêves. Non, mais c'est peut-être pour réconcilier Paché avec des choses de la psychanalyse qui apparaissent d'ailleurs dans le texte de Gantret, qui fait une postface à l'édition de Charlotte Bérate. C'est-à-dire que on sait que la pensée continue la nuit. Et que très souvent, quand nous nous posons des problèmes dans la veille, on dort, et le matin, ça se résout. Et effectivement, ce que dit Gantret, c'est qu'il y a un travail du préconscient. Et on peut imaginer que les gens qui étaient plongés dans cet univers où on ne comprenait rien non plus, on ne comprenait pas très bien ce qui était en train de se passer. Par exemple, il y a un laitier, un beau matin, il arrive en uniforme nazi. Donc, la personne qui reçoit dit « Mais c'est quoi ce truc ?» Eh bien, comme si c'était ces questions qui venaient de ce totalitarisme en train de se mettre en place continuaient de se poser la nuit et qu'au fond, le rêve essayait de les comprendre. C'est impressionnant. Voilà. Donc, et au fond, Paché a raison dans un sens. C'est-à-dire que, oui, la pensée, peut-être pas le moi, mais en tout cas, la pensée continue. C'est ça, la continuité du moi, pour Paché. Et finalement, Bérate, 40 ans plus tôt, en faisant son livre qui portait sur des rêves d'encore 20 ans plus tôt, lui donne raison. Voilà. On peut dire ça. Il serait ravi. On peut dire ça comme dernier mot. Réconciliation. Du groupe Suicide, Dream Baby Dream, c'est une chanson de 1979. Merci beaucoup Martine Lebovici, Claude Mouchard, de nous avoir parlé de ce que nous faisons la nuit et comment les rêves et les cauchemars nous parlent de notre présent et du présent politique à l'aune de Charlotte Bérat et de Pierre Paché. Les références de vos travaux figurent sur le site d'Avec Philosophie ainsi que les références que nous avons évoquées. Et à présent, je vous propose d'écouter la chronique de Frédéric Worms qui cette semaine nous parle de la question et du mystère. Voici le pourquoi du comment. Comment rencontre-t-on un mystère ? Dans la typologie, dans la diversité des questions que posent les êtres humains, il y a de toute évidence des questions qui ont des réponses difficiles, voire dont nous sentons immédiatement qu'elles ne peuvent pas avoir de réponse et que peut-être nous devons les maintenir comme telles, les maintenir comme des questions sans réponse, absolument sans réponse, dont l'énigme n'est pas une devinette avec une réponse cachée quelque part, mais plutôt un abîme, avec d'abord la profondeur de la question elle-même, et ces questions sans réponse que nous posons quand même, dont nous devinons qu'elles cachent quelque chose d'essentiel pour nous, mais nous ne savons pas quoi, nous les appelons à bon droit des mystères. Encore une fois, Vladimir Jankélévitch, qui avait défini la mystique comme la doctrine de la réalité des mystères, n'attendez pas de la mystique des réponses à ces mystères, mais plutôt le maintien du mystère comme tel à côté de l'énigme, du problème, de la question ou même de l'étonnement. Le mystère, c'est d'abord cette rencontre de ce qui n'a pas de réponse, mais qui nous dévoile quelque chose au-delà de notre savoir. Kant, au fond, dans la critique de la raison pure, ne disait pas autre chose. Kant visait à distinguer les questions qui ont des réponses, parce qu'elles sont fondées sur l'expérience, c'est l'analytique de la raison pure, des questions que nous posons inévitablement, qui révèlent notre destination métaphysique, mais qui ne peuvent pas avoir de réponse. Par exemple, je peux dire, je peux chercher la cause d'un phénomène donné, mais la cause de tout, disait Kant, c'est une illusion de notre raison, c'est une illusion inévitable, ça révèle notre destination métaphysique, nous posons la question de l'absolu, mais nous savons que nous ne pouvons pas y répondre, et nous ne devons pas tomber dans l'illusion, et il cherchait la frontière entre les questions objectives et les idées de la raison, les illusions aussi de la raison, qui relèvent du mystère, qui nous révèle plus quelque chose sur nous-mêmes, comme êtres métaphysiques et moraux, que sur les choses, comme si nous pouvions faire entrer cette destination métaphysique, cet étonnement aussi lyrique et mystique dans le domaine du savoir, le faux mystique étant justement celui qui prétend avoir la réponse, le vrai mystique s'en tenant à l'étonnement devant le mystère. Il y a donc une dimension qui s'ouvre dans cet étonnement, dans la formulation précise de cet étonnement qui donne lieu aussi aux grandes œuvres d'art, l'œuvre d'art se confrontant à la réalité du mystère. Bien sûr, il faut critiquer sans cesse la mauvaise formulation des questions mystérieuses qui peut nous amener jusqu'à la guerre, essayer de les prolonger. Et par exemple, ces questions sans doute très justes, très profondes, non pas « pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» mais « qui sommes-nous ? Où allons-nous ? D'où venons-nous ? » Ces questions qui surgissent de la vie, eh bien, elles surgissent aussi sur un tableau de Paul Gauguin. Et quand nous les voyons sur un tableau qui représente des personnes dans le paysage de Tahiti, dans la dernière période de la peinture de Gauguin, c'est un petit peu différent. Ce n'est pas comme si, d'ailleurs, ne soyons pas simplistes, ce n'est pas comme si la beauté de la peinture répondait en elle-même à la profondeur vertigineuse des mystères métaphysiques. Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? D'où venons-nous ? Mais c'est plutôt comme si, au fond, ces questions surgissaient avec l'émotion esthétique, avec l'émotion artistique, comme s'il y avait un double accès au mystère, d'abord par la formulation de questions vertigineuses, mais aussi par l'exaltation devant le monde, qui n'est pas une réponse, mais qui est une autre façon de nous rapporter au mystère du monde. Alors, au-delà des questions théoriques, en deçà, il y a les grandes détresses vitales, mais il y a aussi les grandes exaltations, elles aussi vitales, au sens où elles nous font vivre et au sens où l'art, autant que la philosophie et l'amour, nous permettent d'y répondre. Merci Frédéric Worms. Je rappelle que les références des travaux de nos invités et des choses évoquées aujourd'hui sont sur le site. Merci à Riad Kira qui a réalisé cette émission avec à la technique Guillaume Fischer. Cette émission a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Louise Labarthe, Chaïma Giboire et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.